que tu vas aller voir, ta sœur à Barcelone. Oui, je... Bien. Attention, il y a Monsieur Vignac qui arrive. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai eu vent par la boniche que vous aviez bu l'eau des plantes. Est-ce vrai? Monsieur Vignac, il fait chaud, on a très soif, on n'a pas à boire. Oui, on a soif. Je ne veux pas le savoir. Je vous l'ai déjà dit, l'eau est précieuse ici et elle est réservée aux plantes et non pas aux prolétaires dans votre genre. Vous êtes uniquement des mauvaises herbes qu'on arrache et à qui on ne donne pas d'eau. Alors, remettez-vous vite au travail, sinon votre râteau, il va finir dans votre anus et ça va picoter. Allez. Hein? Et qui c'est celui-là? Ouais. Ah ouais, les jardinistes se mettent à courir avec Ronald McDonald. Rien de plus normal, hein. On aura tout vu. Pas dans le détail, tu veux ma part, mais dans tes rêves. On dit quoi? Je suis rabat de garde la pêche. Gucci Fendi, je me prends pas la tête. Je suis avec mes stars là, elle veut venir à ma table. Où veux-tu qu'on aille? Je reste dans le club. Santé s'en va et puis on voit à ta santé. Santé s'en va et puis on voit à ta santé. 1, 2, 3 soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. 1, 2, 3 soleil. Ma belle, si tu bouges, tu vas finir me loter. Ici c'est la jungle, nous qu'a fait l'argent. L'argent des gens, nous rendons monsieur l'agent. C'est la jungle, nous qu'a fait l'argent. L'argent des gens, nous rendons monsieur l'agent. 1, 2, 3 soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me loter. 1, 2, 3 soleil. Ma belle, si tu bouges, tu vas finir me loter. Dis quoi, j'allume la pète, j'suis bon casse, hein. J'embrasse le compas et quand j'arrive, je blinde la salle. On arrive par derrière et la sécu libère le passage. C'est moi qui mène la danse, c'est la débauche qui gère le cassage. Raconte pas tes salades, tu peux pas financer. J'suis dans les merdes, tu veux faire l'ancien. Tu fais la hure, tu prends la pure, mais tu te fais garage. Tu fais la hure, tu prends la pure, mais tu te fais garage. 1, 2, 3 soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. 1, 2, 3 soleil. Ma belle, si tu bouges, tu vas finir me noter. Ici c'est la jungle, nous qu'a fait l'argent. L'argent des gens, nous rendons monsieur l'agent. C'est la jungle, nous qu'a fait l'argent. L'argent des gens, nous rendons monsieur l'agent. 1, 2, 3 soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir me noter. 1, 2, 3 soleil. Ma belle, si tu bouges, tu vas finir me noter.